Quand éther au péjoula faille avoir des volumes tons, m'avoreux que c'est la dame mécontente à lieu de ce fond. Faya soigni volucaillon, ma vore que c'est la dame aille me de lieu en bon, à regret autant, à regret un secret, la péchouda mes netas, yo. Faya me divo de bambi, ma vore que c'est nada ma yeme de des biscuits, à regret autant, à regret un secret, la pechuda mezoneta. La faille marzibo d'un sabot, ma vore que c'est nada ma roule en auto, à regret autant, à regret un secret, la péchoula. La faille dremi-vaut dans la fouée, ma vore que c'est nada ma mère dans la chouée, à regret.